Bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission proposée par l'association La Boussole. En écoute actuellement, c'était l'émission qui présentait la journée mondiale du refus de la misère qui aura lieu le 17 octobre, du coup, à Plan Cabane à Montpellier. En lien avec cette journée, il y a un projet de théâtre que nous portons depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est la pièce qui a été jouée en juin sera rejouée le 16 octobre, voilà, donc, au Théâtre de la Plume à 20h30. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé ensemble de vous parler un petit peu de ce projet théâtre, de vous présenter les personnes qui participent à ce projet. Aujourd'hui, à nos côtés, nous avons Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Sandrine. Bonjour. Bonjour Sandrine, Geneviève. Bonjour. Et Farid. Bonjour. Voilà, donc ensemble, vous avez travaillé sur un projet toute l'année, un projet de théâtre. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est monté le projet. Alors, sachant que c'est l'association La Boussole qui a proposé de monter un projet avec le partenaire de la Compagnie Dorée, dont Sandrine fait partie. Dans l'idée, c'était depuis quelques années maintenant, nous portons ce projet et nous essayons de proposer aux personnes qui sont accompagnées, qui sont bénéficiaires, qui sont hébergés, qui sont ou chez eux maintenant, en logement, des gens qui souhaitent pratiquer le théâtre, mais qui, pour qui ça peut paraître difficile de le faire dans une association classique, de participer à ce projet. Ça veut dire qu'en lien avec Sandrine, nous orientons des personnes vers le théâtre, la Compagnie Dorée, et on travaille ensemble, du coup, sur la réalisation d'une mise en scène. Sandrine, tu peux nous en dire quelques mots ? Ben oui, je peux vous dire quelques mots sur le travail qu'on a entamé ensemble. Déjà parce que ce travail a une histoire assez longue. Ouais. Je ne sais pas si je commence par l'historique ou si je commence par cette année. Bon, on peut peut-être commencer par l'historique. Ouais. Alors je commence par l'historique. Ouais. Donc c'est vrai que le projet théâtre de La Boussole était mené à l'outil théâtre, par l'outil théâtre depuis plusieurs années. Plusieurs années avec Moïd, oui. Avec Moïd. Et nous, la Compagnie Dorée, qui étions aussi dans les locaux de l'outil théâtre, nous avons pu assister à des représentations de cet atelier de La Boussole et aussi à une rencontre autour d'une création qu'on avait répétée à ce moment-là. Et la rencontre avait eu lieu et je crois que Geneviève était là déjà, ouais, à cette époque-là. En fait, ce projet nous a beaucoup intéressés dès ce moment-là. Et quand l'outil théâtre a fermé à la suite du décès de Marc Nicolas, ouais, et que nous avons repris le lieu en mutualisant avec deux autres associations, donc l'outil théâtre qui est devenu Quartier Gare, nous avons souhaité prolonger cette aventure de l'atelier de La Boussole dans les locaux de Quartier Gare. Voilà. Quartier Gare, qui est situé du coup dans le quartier de la Gare, 23 rue Boyer. Voilà. Donc qui est aussi bah, du coup une rue qui est connue par les structures, aussi les associations qui interviennent dans l'insertion. C'est vrai que nous, ça nous a fait plaisir que vous nous sollicitiez, puisque c'est après le départ de l'outil théâtre, puisque l'outil théâtre a arrêté malheureusement après le décès de Marc. Moïd est parti sur d'autres aventures, et que vous soyez venu et qu'on puisse bénéficier du même espace. Pour nous, c'est vraiment très important, et je pense que pour les gens qu'on accompagne, c'est un bon repère aussi. Et ça a été plus facile pour nous de pouvoir renouveler ce projet. C'est vrai que ce projet existe aussi grâce à la Fondation Abbé Pierre, qu'il ne faut pas oublier, puisque sans eux, on ne pourrait pas apporter ce projet, parce que c'est eux qui nous soutiennent financièrement, donc on les remercie. Dans l'idée, à l'outil théâtre, vous travaillez, Geneviève, beaucoup sur du texte, si je ne me trompe pas, un travail de texte aussi, c'est ouais, important. C'était la grosse différence, justement, l'année dernière. Moi, j'ai tout perdu mes bases, puisqu'on faisait vraiment quasiment que du texte, et ouais, d'un coup, je me suis retrouvée à faire de l'impro, et c'était vraiment autre chose. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que du coup, actuellement, c'est vrai que sur le travail avec Sandrine, c'est un peu différent de ouais, ce qui était pratiqué par l'outil théâtre. Après, ça apprend aussi d'autres méthodes. C'est intéressant aussi, de toute façon. C'est pour ça que c'est bien de changer de partenaire aussi, des fois. C'est bien de rencontrer d'autres pratiques, ça, c'est sûr. Je veux bien intervenir sur cette question du texte et de l'improvisation. Ouais. Il se trouve que, oui, on a travaillé beaucoup à partir d'improvisation et l'année précédente aussi. Je ne suis pas du tout réfractaire au fait de travailler du texte. Voilà. Il s'est trouvé que dans la dynamique du groupe qu'on avait l'année dernière et même l'année précédente, L'improvisation a permis de beaucoup plus fédérer autour de la pratique théâtrale. Et donc, on a eu, c'est vrai, l'année dernière, beaucoup de participants au cours de l'année, même si le projet du spectacle s'est finalisé à 4 participants, finalement. En tout cas, on a pu partager avec vraiment beaucoup de personnes. Et ce travail sur l'improvisation a permis comme ça un échange tout au long de l'année. Mais il se peut très bien, par exemple, que pour le prochain projet, on puisse avoir des textes. Voilà, il n'y a pas de règles définitives. Ah ouais. Je pense que l'improvisation nourrit le texte, que le texte peut nourrir l'improvisation, qu'on peut aussi arriver à des formes hybrides entre improvisation et texte, ça me va tout à fait. Après, l'idée, c'est quand même de construire le projet de spectacle avec les gens qui sont à l'atelier. Donc, j'essaie aussi de voyager avec eux, qu'on voyage ensemble quelque part, voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'apporter une nouvelle approche. Et l'improvisation, c'est vraiment une autre technique. Oui. Et de toute façon, vous vous adaptez à chaque fois vos travaux en fonction du groupe que vous avez, quoi. Tout à fait. Parce que chaque année, ça va être différent. Même voilà. S'il y a des membres, des anciens membres qui reviennent, il y a des nouveaux qui arrivent. Et du coup, à chaque fois, c'est une reconstruction d'un groupe et d'un esprit que vous devez travailler, du coup, sur la durée, quoi. C'est voilà, ça qui est pas simple non plus à gérer. Très bien. On va peut-être écouter un petit morceau de musique, du coup. Sandrine, je te laisse nous présenter peut-être le morceau qui va être diffusé. Oui, alors c'est un des morceaux de la pièce de cette année qui s'appelle « Un petit air de campagne ». Voilà, je ne vais pas vraiment vous raconter l'histoire, mais c'est l'histoire d'une campagne électorale, voilà. Ce morceau, celui qu'on va entendre, c'est le lancement de l'émission Un petit air de campagne. Voilà. Ouais, d'accord. En nom del patrón, me permito recomendarle nuestra especialidad. Es un plato para altos funcionarios que solo se sirve en los mejores restaurantes. Angurrias, histrionismo y cobardía, con fetas de ignorancia y truanería, lisonja, adulación, vil reverencia, con salsa de crueldad y de violencia. Vendas comercio, sórdida ganancia, usurpación, rapiña y arrogancia. Adelanto perverso, terquedad lucrativa y clorhidrato el plato con aceite de oliva. Y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor. Registré su pedido de todo y para dos. Registré su pedido de todo y para dos. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para dos. Voilà un petit morceau d'un air de campagne. Voilà, donc c'était la pièce que vous avez jouée cette année qui va être rejouée, je le répète, le 16 octobre à 20h30 au Théâtre de la Plume. On discutait un petit peu hors antenne du coup de la différence un petit peu de l'apprentissage d'un texte, la pratique aussi dans l'improvisation. Geneviève, du coup, toi, tu as pratiqué les deux. Qu'est-ce que tu peux en dire un petit peu de l'apprentissage du texte? Est-ce que c'était compliqué pour toi ou... Bah, moi, j'ai beaucoup apprécié à la base le texte, justement, parce que ça permet de refaire travailler la mémoire, de se remettre bien un peu dans les rails, quoi. Ouais. Mais après, l'improvisation, oui, c'est carrément différent. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque soir... Ça peut être carrément, enfin chaque soir de représentation, ça peut être carrément une pièce différente qui se passe parce que selon l'humeur de chacun, selon l'air du temps même. Ouais. Vraiment, ouais, c'est intéressant aussi de toute façon. Dans ta pratique, tu as senti la différence du coup ? Ah mais carrément, ouais, c'était pas du tout le même théâtre pour moi, quoi. Oui. Moi qui suis nouvelle là-dedans. Ouais. Et il y a une pratique dans laquelle tu te sens plus à l'aise ou pour toi c'est deux choses différentes mais tu arrives à t'adapter aux deux ? Moi, j'aimais bien le texte parce que justement, c'est carré. Ça te sécurise. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. T'as peut-être moins de prise de risque, sauf le trou aussi, parce que le trou de mémoire, ouais. il peut arriver aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, on arrivait toujours. Les autres venaient nous secourir. Enfin, ouais. On a toujours réussi à s'en sortir parce qu'il y en a eu des trous, bien sûr. C'est différent, ouais. C'est autre chose. Et tu parles du groupe, c'est vrai que du coup, la troupe, le rôle de chacun aussi, chacun doit soutenir l'autre. Parce qu'effectivement, un trou, on n'est jamais à l'abri. Ça comble. Et c'est bien qu'il y ait les collègues qui puissent combler ou soutenir ou ramener vers le sujet. Marie-Josée, par exemple, là, vous disiez que c'est votre première expérience de théâtre cette année. Et oui, je vous remercie déjà de m'avoir donné cette occasion. Avec non seulement plaisir. D'être ici, mais en plus de rentrer vraiment dans le monde, peut-être pas tout à fait du théâtre, mais c'est déjà ça. C'est ma première fois, exactement. Je ne savais pas un jour que je devais jouer une pièce de théâtre, apprendre du théâtre et me retrouver dans une radio. Vraiment, c'est la première fois. Et voilà. Donc, je suis que ravie et je vous dis merci pour cela. Bah avec grand plaisir. Puis on viendra vous voir le 16 octobre. Je vous ai déjà vu sur scène. C'est vrai qu'on sent que vous vivez vraiment la pièce, quoi. C'est quelque chose qui vous apporte. C'est un travail, du coup, lorsque vous êtes arrivé sur le projet théâtre, vous voyez, du coup, vous imaginiez que ça allait se passer comme ça ou à quoi vous attendiez, du coup, quand vous êtes arrivé sur le projet? Mais déjà, c'est une jeune fille qui m'a envoyé un peu vers le théâtre. Ouais. En me disant, toi, je te vois bien dans le théâtre. Et puis, je suis allée, elle m'a présenté à Sandrine, que j'ai trouvé très sympa. Mais je pense que le travail, il est bien fait par rapport déjà au groupe. Oui. Donc, dès que je suis arrivée, je me suis sentie à l'aise. Tout le monde m'a accueillie, tout le monde a été sympa avec moi. C'est le plus important. Parce que le travail, ce n'est pas une seule personne qui fait le travail, c'est un travail d'équipe. Et l'improvisation, c'est si vous ne vous regardez pas, si vous ne vous parlez pas, ça ne peut pas marcher. Ouais. Et moi, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais à partir du moment où j'ai vu des belles personnes, on était tous dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on voulait faire plaisir à Sandrine, nous faire plaisir aussi à nous, d'oublier un peu nos problèmes, d'oublier nos soucis, et puis on s'est éclaté, et puis voilà, c'est ce que ça fait. Belle chose. Bon, c'est bien. Du coup, vous allez renouveler l'expérience, là, cette année ? Mais avec grand plaisir, quand j'ai vu le message de Sandrine, qui m'appelait justement à refaire cette année, je me suis dit, waouh, donc ça veut dire que ce qu'on a fait, ce n'était pas mauvais. Elle a aimé. Disent les enfants, elle a kiffé. Et éventuellement, la boussole aussi, parce que si Sandrine vient vers nous, ça veut dire que la boussole a donné son aval. Et je ne peux qu'être ravie d'être encore là. J'espère qu'on fera mieux que l'année prochaine, parce que bon, on n'a pas été tout au début. Ouais. Et voilà, j'espère que ça va aller cette année, bon. Peut-être plus. Et vous sentez prêt pour le 16 ? Je pense qu'on a toujours été prêt. Ouais. Et cette fois, on est plus que déterminé, mais nous sommes déjà prêts. Bon, c'est bien. C'est l'envie qui compte. Après, c'est sûr, comme c'est un travail d'improvisation, il y aura une petite répétition avant de jouer la pièce, ça ira mieux. Dans le bain. Éventuellement, comme disait ma sœur tout à l'heure, éventuellement, l'impro, c'est-à-dire que si on passe déjà le vendredi, on repasse le samedi, c'est pas les mêmes mots. Oui. Il y a des mots qui peuvent être les mêmes, mais il y a des mots qu'on peut ajouter comme des mots qu'on peut enlever. Donc, le plus important, c'est de faire rire les gens, c'est d'arriver à quelque chose de bien. C'est le principal. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on fasse quand même une répète. Oui, bien sûr. Pour qu'on soit prêt, pour que les gens qui viendront nous voir. Et on espère qu'il y aura encore plus de monde, que la dernière fois et on appelle tout le monde à venir voir comment ça se passe. Je pense que il y a de la place pour tout le monde et puis voilà, que ce serait que du bonheur quoi. Ouais. Et Farid qui a joué la pièce que j'ai vu jouer et que j'étais mort de rire aussi moi, qui m'a bien fait rire. Arrête Manu. Comment vous avez vécu ça vous du coup, ce travail cette année ? C'est une aventure rigolote. Ouais. Chaque personne sait que j'ai fait un AVC, je suis handicapé, et Sandrine m'a pris tel que je suis. Ouais. Avec mon humour, malgré mes collègues qui s'amusent avec les mots aussi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le théâtre ? Pourquoi t'es allé à cet atelier ? Dépassé. Tu étais passé ? Non, se dépasser. Se dépasser, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Donc t'avais besoin de tester un petit peu ta capacité à pouvoir voir si tu pouvais te dépasser ou pas. Ouais. Ouais. Mais merci Sandrine, merci Manu aussi, et merci à mes chères demoiselles que j'ai devant moi. Ouais. Il nous manque Serge aussi, hein, qu'on salue, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui participe au spectacle. Mais voilà, on pense bien à lui. Et Le monsieur sans chaussures. Le monsieur sans chaussures, ouais. Et du coup, c'est la première fois que tu faisais du théâtre ? C'est la première année que tu testais ? Ouais. Ouais. Et ce que j'écris, ce que je pense, je le dis devant, je le dis pas derrière. Mmh. Ça change un peu la pétanque, quoi. C'est vrai que tu nous as habitués à organiser le tournoi de pétanque pour la boussole. Mais oui. Cette fois-ci, c'était un travail très personnel. Je tiens à prévenir que le collectif La Boussole organise des tournois de pétanque. Ça fait quelques années, je suis parti. Ouais. Ça fait quelques années que j'en ai pas organisé un. Et j'avais tous les champions du monde et toutes les championnes du monde à nous rencontrer. D'accord. Et pour revenir au théâtre, du coup, est-ce que tu te sens prêt pour rejouer la pièce le 16 octobre ? Comment tu te sens par rapport à ça ? Est-ce que tu as eu des retours ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont... Parce qu'il y a des gens qui sont venus voir la pièce. Il y a des gens qui t'ont fait des retours ? J'aurais aimé avoir le préfet, moi. Ouais. Devant moi. On va l'inviter, hein, s'il écoute. Espérons qu'il vienne. Et en dehors de ça, des personnes que tu côtoies au quotidien. Ouais. Est-ce que tu as eu des retours bien, un peu bien, bon retour. Ouais. Donc toi, ça t'a apporté tout ça ? Ouais. Merci Sandrine encore. Merci. Donc Sandrine, assez amusé avec mon humour. Mais tu t'es amusé aussi, du coup, j'espère. Ouais, bon, oui. Hein, c'est un peu le but. Envers deux personnes. Oui. Total respect, quoi. C'est... Il y a le trio magique en... Enfin, moi, j'ai l'air un imbécile envers ces dames, quoi. Mais bravo, les filles. Tu t'applaudis, c'est bien. On peut t'applaudir. On va te faire pareil. Sandrine, on va parler un petit peu du projet. Puisque, du coup, pour revenir un peu sur la première année, comme tu disais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Puisqu'on travaille ensemble depuis 2 ans. Là, on partira pour la 3e saison. Donc on termine la 2e saison là, le 16 octobre, et c'est vrai que l'année précédente, ça n'a pas été simple non plus, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de participants sur l'année. On a eu du mal à mobiliser les gens de notre côté aussi pour orienter les personnes vers toi. Et tu as réussi quand même à travailler sur un spectacle avec 3 personnes. Je pense que c'était vraiment pas simple. La première année, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de participants, c'était plus flottant. Du coup, il y avait une moins grande énergie de groupe. C'est sûr que là, même si on fait un spectacle avec 4 participants cette année, il y a eu peut-être une 20aine de participants sur l'année, ce qui veut dire qu'on a eu une grande émulation collective dont on s'est servi et qui nous a nourris ensuite pour le spectacle qu'on a fait. La première année, il y avait peu de participants, effectivement. Et du coup, on a eu des moments où on a travaillé à 1, à 2. Du coup, c'est pas la même énergie, c'est un autre travail. On a aussi construit un spectacle à partir des jeux d'improvisation que j'avais proposés tout au long de l'année. On a construit quand même des séquences. Donc, on a travaillé sous forme de cabaret, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui n'est pas du tout de la même nature que le projet de cette année. C'est vrai que le projet de cette année... On a parlé ensemble de ce que chacun voulait mettre dans le spectacle, des choses qu'il voulait aborder, etc. Chose qu'on n'a pas pu faire l'année précédente. Et c'est ce qui a donné la couleur particulière de ce spectacle, un petit air de campagne. qui est une idée qui a été amenée par un des participants, puisqu'on était en pleine campagne électorale. On en a eu donc deux successives. Donc il y a eu cette idée qui a été lancée, et puis on s'est dit, ben voilà, comment on peut attraper cette idée, faire du théâtre avec cette idée, mais c'est-à-dire transposer complètement l'idée de la campagne électorale. Évidemment, c'est de pas faire c'est de partir de cette base et puis d'aller vers un ailleurs imaginaire, théâtral, où chacun pouvait amener sa propre fantaisie, son humour ou son sérieux aussi, parce que voilà, il y a vraiment une place pour chaque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, c'est vrai que c'était intéressant de savoir aussi comment vous avez construit ce projet, comment vous avez travaillé sur l'année, déjà à définir le thème, parce qu'en air de campagne, ça s'est vraiment décidé, ça s'est défini pendant l'atelier, quoi. Oui, ça s'est défini assez tardivement. Moi, je voulais déjà qu'on travaille le théâtre ensemble, qu'on constitue un groupe, qu'on ait une confiance mutuelle qui puisse permettre d'amener chaque personne à proposer une direction. On a eu aussi la proposition d'une fable de La Fontaine, donc, qui a été faite par Farid. Mmh. Et finalement, cette fable de La Fontaine est jouée dans le spectacle par Serge et Geneviève. Donc en fait, ça a été une manière aussi d'écrire ensemble, de se proposer des choses à partir de quoi jouer et travailler. Du coup, ça construit la pièce, quoi. Ça construit la pièce. Au fur et à mesure. Dans une forme de dialogue entre les uns, les autres, voilà. Que chacun y trouve un petit peu sa petite trace aussi, personnelle. Sa petite patte. D'accord. Vous voulez parler un petit peu du spectacle ? Mais il faut toujours parler du spectacle parce que ça nous apporte beaucoup de choses, déjà. Oui. Je pense que le théâtre, surtout pour des personnes qui sont en difficulté, le théâtre fait partie des thérapies pour nous aider à avancer, à avoir confiance en soi. Et puis, on rencontre des personnes, on va sur certaines choses qui nous font du bien, c'est déjà très bien. Mmh. Et moi, je pense qu'il faut que les gens essayent de venir. Il ne faut pas que les gens aient peur. On ne doit pas avoir peur. On a peur quand on n'a pas encore vu la chose, quand on n'est pas dedans. Mais lorsqu'on est dedans, ça ne fait que du bien, que des belles rencontres, des belles choses et tout ça. Mmh. Donc, moi, je pense que ce que j'ai vécu, c'est spécial pour moi. Oui. C'est spécial parce que, bon, j'ai eu trois belles personnes. Nous avons fait vraiment une belle émission qu'on a essayé de mettre à notre sauce. Mmh. Et je pense que ça a marché parce que nous avons eu des retours. Moi, personnellement, au niveau de ma famille, j'ai eu beaucoup de retours, mes compatriotes. Et j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont félicité personnellement, qui ont félicité le groupe. Donc franchement, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi. Vous donc pouvez, une émission comme celle-là, vraiment, je repartirai volontiers sur de l'impro. Et comme disait Geneviève, qu'il faut aussi qu'on apprenne des textes. Et on va s'y mettre cette année pour qu'on soit dans les deux. Ouais. On n'est pas être juste sur une chose. Nous allons, puisqu'on va commencer dès le début, tous ensemble, je pense que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et vraiment, c'était une très belle émission. Nous avons eu beaucoup de sous-titres, mais rien que cela, c'était pas mal, c'était pas mal. Moi, je pense qu'il faut aller, encore dans ce sens. Il faut aller chercher, des belles choses. Voilà. Disons que c'est vrai qu'un groupe qui part déjà avec des gens qui ont déjà pratiqué est déjà riche de la pratique que vous avez eue. Et du coup, ça permet d'aller plus loin et plus vite aussi avec des gens qui arrivent. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. Ouais, voilà. C'est vrai. Ben, oui. Tu sais comment je suis. Après, c'est vrai qu'on a projet ou non. Geneviève, pour avoir, toi, tu as quand même pas mal d'années d'expérience maintenant sur les projets qu'on mène. Même à un moment donné, moi, je me suis aussi posé la question de savoir, le fait de revenir, peut-être que tu vas t'attendre à quelque chose que tu as déjà vécu. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui peut aussi te mettre en difficulté à un moment donné, te rendre compte que l'émission du groupe, ça te correspondra peut-être plus par rapport à ce que tu as connu. Enfin, il y a toutes ces choses-là qu'on s'est posées comme question. Comment tu as vécu ça, toi, du coup? Comment tu le vis? Ben, de toute façon, Non, je ne m'attendais pas vraiment à retrouver, puisque je savais que les personnes ne seraient pas les mêmes, ouais. De toute façon. Sandrine n'était pas Moïse non plus. Oui. Donc, non, le fait justement d'attaquer avec de l'impro, moi j'ai trouvé ça justement très enrichissant. Et puis, oui, c'était tellement différent que, à la limite, je recommençais. J'étais aussi novice que les autres, quoi. Donc, ouais. Non, c'était pour moi vraiment. C'était ce que je pouvais espérer de mieux dans la continuité, ouais. De pas recommencer ce que je connaissais déjà. Ouais. Bon, après, moi, je reste nostalgique, ouais, d'une pièce qui est bien carrée avec chacun son texte. Mais non, c'était quand même différent et c'était aussi agréable. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous sentez prêt à jouer un petit extrait? Est-ce que ça vous dirait de faire une petite improvisation? Oui, on passera un petit morceau de musique, le temps de vous préparer. Vous seriez d'accord sur le principe? Et puisque nous sommes là, on va quand même montrer à la radio Clapas ce que nous savons faire. Ok, donc on va écouter un deuxième morceau avant d'attaquer, d'écouter cet extrait. Le deuxième morceau qu'on va écouter, Sandrine, c'est quoi? C'est un morceau de la pièce aussi? C'est aussi un morceau de la pièce. Thank you. Voilà, c'est un petit morceau de musique qui était passé dans la pièce. Et ben on va vous écouter un petit extrait d'un air de campagne. Allez, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette émission, une campagne pas comme les autres. Et là, nous allons passer à la phase où tous les mystères sont permis, parce que c'est la première fois que des candidats nous cachent des choses. On a envie de savoir un peu plus sur ces candidats-là, parce qu'il y a des mystères qui nous cachent, il y a des choses qui nous cachent. Nous ne sommes plus là pour voter des candidats qui ne nous disent pas tout. Et bien aujourd'hui, on a préféré faire une émission spéciale pour qu'on nous dise tout sur ces candidats. Alors nous allons accueillir une candidate, Madame Geneviève, la candidate de Sans Souci. Elle ne veut pas de soucis pour tout le monde. Alors, elle a des choses à nous dire. Est-ce que, Madame Geneviève, vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce que vous savez sur les autres? Oui, alors, bonsoir. Moi, je suis donc la représentante du Parti des Sans-Soucis et j'aimerais que tous mes collègues soient comme moi. Hélas, je viens encore d'en apprendre de nouvelles. Je ne vous dis pas à quel point je suis scandalisée. Je n'en reviens pas de toutes ces hontes qu'on nous cache et que je viens d'apprendre. Alors, est-ce que ce que vous venez d'apprendre, vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus? Parce que nous aussi, on a besoin de savoir pour départager quel candidat, sur quel candidat nous allons voter. Parce que ça ne sert à rien de... Voilà. S'il vous plaît. Ah, si vous saviez tout ce que je sais. Mais vraiment, là, je suis ébahie, quoi. J'en reste sans voix. Et franchement, je crois pas que je peux dire tout ce que je viens d'apprendre. C'est vraiment trop, trop grave. C'est tellement, tellement ignominieux. Mais vraiment, je n'en peux plus, quoi. D'accord, ben écoutez, merci beaucoup. Le plus important, c'est que si c'est vous qui venez nous dire qu'il y a des secrets qui se cachent derrière les autres candidats, mais je pense que beaucoup voteront pour vous, mais vos sans soucis, j'espère que ce serait vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Je vous remercie, madame. Merci, merci à vous. Merci, hein, c'était pas facile. On est dans l'improvisation. Là. Bah, très bien, voilà. Donc, si vous voulez voir un petit peu la suite ou la pièce, je vous rappelle que ça sera joué le 16 octobre au Théâtre de la Plume à 20h30. Info importante, c'est gratuit, évidemment, puisque c'est dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, qui aura lieu le 17 octobre. Et du coup, je vais faire le lien un petit peu avec la journée qui aura lieu le 17 octobre, puisque la boussole aussi intervient et accompagnera des personnes. Donc il y a la pièce qui sera jouée le 16 octobre, la veille du coup, pour lancer un petit peu les événements. Et ensuite, le jour de la journée mondiale du refus de la misère, qui sera à Plan-Cabane, en face de l'arrêt de tram. C'est une journée un petit peu thématique. Ça démarre à 15h. Il y aura des débats, il y aura des tables rondes en début d'après-midi sur le thème des migrants, sur le thème de la précarité pour les jeunes, moins de 25 ans, et aussi sur le thème de « Pour un monde meilleur ». Voilà. Donc il y a des personnes qui vont venir, qui vont échanger. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ATD Carmonde qui porte cet événement. Et on se joint à eux, notamment le collectif du 17 octobre, pour organiser un petit peu la journée. Il y a un gros réseau associatif, parce que je participe aux différentes réunions. Il y en a encore une ce soir pour vraiment finaliser la mise en place de la journée. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il y aura un repas aussi le soir, c'est que ça va être des échanges. On va pouvoir exposer aussi des personnes, notamment des personnes, Claude Boldrini, là, qui a fait du théâtre avec nous, que tu connais bien, Geneviève. Là, il va venir pour exposer un peu ses tableaux. C'est des personnes qui sont encore en structure ou qui ont été hébergées. Et du coup, on les met en avant aussi à travers ces expositions, à travers ces journées. C'est important de montrer aussi à la population. L'idée globale, l'idée générale, c'est un peu ça, c'est de montrer aux gens qui ne connaissent pas la précarité ou qui s'y intéressent pas, de montrer aussi que les gens, même s'ils sont en difficulté, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des passions, qu'ils savent pas pratiquer des choses, que ce soit le théâtre, que ce soit l'art, que ce soit autre chose, et que ce ne sont pas des citoyens à part entière. Emmanuel, est-ce que nous, on peut venir tous les trois ou bien tous sûr. Les quatre? Bien sûr. Et tout le monde est invité, évidemment, à participer, à venir. Après, voilà, c'est vraiment... ça se passera toute la journée. Il y aura aussi un repas, un débat qui se passera au Dôme. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le thème. Mais ce sera à 21h au Dôme, ce sera le soir 20h30, une soirée débat. Vous pouvez le trouver sur le site de ATD Quart-Monde et on diffuse nous l'info largement, il y aura des affiches. Voilà, c'était pour vous donner un peu quelques infos par rapport à cette journée. Pour revenir un peu à notre projet, donc là, la saison 2017 va se terminer sur cet événement. Et en 2018, le projet redémarrera aussi fin 2017, puisqu'on a décidé du coup avec Sandrine de repartir dès le 6 novembre pour ne pas perdre de temps. Et travailler du coup sur un projet qui se finalisera de nouveau par une représentation. Donc je pense qu'il y aura des pièces qui seront également jouées au quartier Gare. Oui. Mais en plus de ça, par le biais de la Fondation Abbé Pierre, c'était un peu aussi nous, l'initiative du projet, c'était aussi de pouvoir le jouer dans un cadre du festival qui s'appelle C'est pas du luxe, qui sera, alors j'ai eu la confirmation, qui sera de nouveau, qui aura lieu en 2018, en septembre 2018, et qui se passera à Avignon. Donc ça se passe sur un week-end. Geneviève, toi, tu as déjà vécu l'événement, on est allé à Apt ensemble, on avait été jouer la pièce de Ionesco, qui avait fait un tabac, hein, parce qu'on avait quand même eu des acteurs, des comédiens qui étaient venus vous féliciter sur scène. Mmh. Moi, j'avais la chair de poule, hein, parce que c'était quand même émouvant aussi pour tout le monde, hein, ceux qui sont dedans, sur scène et ceux qui sont derrière. Et voilà, ce sera la finalité cette année, donc c'est vrai qu'on l'a su il y a peu de temps. Donc ça veut dire que ça donne un nouvel objectif aussi pour vous, pour travailler un peu ce nouveau projet. Donc je me doute bien qu'il n'est pas du tout préparé, parce qu'on n'a pas démarré. Mais c'est aussi pour lancer une annonce, hein, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui souhaitent, que ce soit les travailleurs sociaux, qui souhaitent orienter des personnes ou des personnes qui écoutent la radio, qui souhaitent faire du théâtre. Je vous invite le 6 novembre à 14h au Théâtre Quartier Gare, 23 rue Boyer. Et là, on vous présentera un petit peu le projet et puis l'atelier démarrera. Sandrine, pour l'atelier, si c'est comme l'an dernier, ce sera les lundis de 14h à 16h ou ça va changer ? Voilà, 14h à 16h ou 14h30 à 16h30, on va voir en fonction des participants, voilà. D'accord, donc on sera sur des sessions vraiment hebdomadaires ? Oui, plutôt, oui. Ouais, d'accord, ok. Voilà, hein, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était super pour nous de pouvoir vous inviter. Et puis, Geneviève de te revoir aussi ici. Merci de l'invitation. Merci beaucoup à Farid d'être venu. Je sais que c'était pas simple pour toi. Rien fait. C'est très bien que tu sois venu déjà. C'est très bien. Contre les bras. Merci Marie-Josée. Merci Sandrine. Et le plaisir est pour moi. Voilà. Et on se revoit du coup très bientôt. Hein. Et un petit mot de la fin, peut-être Farid. On a choisi un morceau. Enfin, tu vas choisir un morceau pour la fin de l'émission. Tu peux nous en dire quelques mots. Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est. C'est un vieux blues. D'accord. Des Stray Cats. Stray Cats, voilà. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Merci.